11 Haïkaï de Paul Éluard. Enregistré par Christiane Johan pour audiocité.net. 1. À moitié petite, la petite montée sur un banc. 2. Le vent, hésitant, roule une cigarette d'air. 3. Palissade peinte, les arbres verts sont tout rosés. Voilà ma saison. 4. Le cœur, à ce qu'elle chante, elle fait fondre la neige, la nourrice des oiseaux. 5. Paysage de paradis, nul ne sait que je rougis au contact d'un homme, la nuit. 6. La muette parle, c'est l'imperfection de l'art, ce langage obscur. 7. L'automobile est vraiment lancée, quatre têtes de martyrs roulent sous les roues. 8. Roue des routes, roue fil à fil, déliées, usées. 9. Oh, mille flammes, un feu, la lumière, une ombre, le soleil me suit. 10. Femme sans chanteur, vêtements noirs, maison grise, l'amour sort le soir. 11. Une plume donne au chapeau un air de légèreté, la cheminée fume. Paul Éluard pour Vivre ici, 1920.